Salut Charlie. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on soit au top parce qu'on a Jean-Luc Lemoyne. Il travaille avec Cyril Hanouna. Il a le 06 d'Enora Malagré. Ah, surtout, c'est le gars le plus drôle de l'équipe d'Hanouna. Ça, c'est vrai. Enfin, c'est le plus drôle volontairement. Oui, c'est ça. Et pourquoi il vient en fait? Pour son spectacle. Ah oui, mais alors Hanouna doit nous inviter, Guillaume et moi, pour nos spectacles. Ah, pas. Pensez pas qu'il vient faire de l'espionnage industriel. Mais c'est ça. Mais oui, mais non, enfin. Est-ce qu'on ferait pas une mauvaise émission exprès avec des mauvaises rubriques comme ça, lui? Non, on va faire une bonne émission. Puis moi, je suis très contente qu'il accepte de venir. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Et si on faisait l'inverse? Quoi, l'inverse? Hein? Alors, oui, si on essayait, nous, de débaucher Jean-Luc Lemoyne. Est-ce qu'on n'essayerait pas plutôt de débaucher Nora Malagré? Ah non, c'était jalouse. Bah, en revanche, Jean-Luc Lemoyne, bon, s'il aime bien l'émission, il est drôle. Ah, tu trouves que ça manque de gens drôles dans cette émission? Ah, bah, de gens volontairement drôles, ah, bah, ça oui, un petit peu. Ouais. Moi, je trouve que ça manque de bombes uber sexuelles. Quoi? Mais moi, avec une bonne chirurgie, je te signale que ça peut s'arranger. Mais calmez la grognasse, mais arrêtez de vous disputer. Mais non, je vois que c'est toi. Mais non plus, mais c'est pas un ring de boxe ici. On n'est pas chez Hanouna. Pardon. Oui, alors, on était remis à notre place là. On devrait plus disputer, Charlie. Tu sais, Alex, moi, quand je ferme les yeux et que j'entends tes vannes, tu me fais beaucoup penser à Jean-Luc Lemoyne. Oh, c'est chou. Ouais. Tu sais, moi aussi, tu me fais penser à Enora Malagré. Ah ouais? Ouais, quand je ferme les yeux. Connard. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui n'est pas suspendue au cordon de la bourse. Et voici les trois informations qui, quoi qu'il arrive au CAC 40, vont effectuer un rebond et non pas un repli jusqu'à 18h. La violence en politique, elle vient souvent de son propre camp. Regardez les Le Pen ou la promesse de Copé à Nicolas Sarkozy. Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Julie Gayet est une femme d'influence. C'est l'argument de l'Obs cette semaine pour la hisser en couverture. Elle joue auprès du président un rôle plus important qu'il n'y paraît. De là à dire qu'elle le mène par le bout du nez. François, fais le cheval. L'inventeur du stand-up, ce pourrait être Mark Twain. Milieu du 19e, lors de ses lectures sur scène, l'écrivain glissait des vannes et adoptait certaines attitudes. Oh, Mark Twain! Tout ça pour aujourd'hui en arriver là. Je rêve d'une banque qui soit faite spécialement pour moi. Moi, Gad! Et pour m'accompagner, j'ai le bout de la chaîne du stand-up, Alex Bizarrec. Je vous remercie, mais on espère qu'il y en aura d'autres quand même. On va pas s'arrêter là. Bonjour Charline Vanhoenacker. Aujourd'hui, autour de la table, une belle équipe. À 17h20, elle vient exceptionnellement nous parler de cinéma. Parce qu'elle aime tout ce qu'on peut faire avec un verre à la main, lire un livre, regarder un film ou faire une chronique sur France Inter. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour, et bien je vais vous surprendre, je ne vais pas vous parler d'alcool, je vais vous parler de drogue. C'est très bien. À 17h30, est-ce qu'il est là? Je suis là. Ah, il est là. Et son rêve aujourd'hui, c'est qu'un jour, Kev Adams doive jouer son spectacle dans la salle Guillaume Meurice, parce qu'en ce moment à Nantes, c'est l'inverse. Bonjour Guillaume. Bonjour, merci de le rappeler, ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai tenté aujourd'hui de répondre à une question historique. La ville de Nantes se situe-t-elle en Bretagne? J'ai donc interrogé des Nantais. Je suis né à Boulogne-Billancourt. Voilà, c'est pas gagné, hein, quand même. Et à 17h40, depuis cette saison, elle vient de voir une seule fois par semaine et je me dis que pour la séduire, c'est peut-être ma chance. Depuis septembre, j'ai déplacé à jeudi matin mon jour de douche. Bonjour Clara Dupont-Monod. Bonjour Alex. De quoi va-t-on parler? Eh bien, d'un anniversaire oublié qui était le 15 octobre 1945. Tellement oublié qu'on sait pas de qui en fait anniversaire. Mais non, mais c'est un teaser, teasing. Oui, c'est fait l'annonce, quoi. C'est pour donner envie. Ouais, on bave. Si tu écoutes, j'annule tout. Est présent dans un monde virtuel. Premier sur snipe de notre Twitter. Hashtag annule tout et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Parce que moi, je suis toujours là, cher auditeur. Ne vous inquiétez pas. Votre boulot. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Georges Pompidou. Vous jouez votre premier one-man show en 99. C'est l'année où Lance Armstrong réalise son premier braquage du Tour de France. Vous intégrez la bande de Ruquier dans On a tout essayé en 2001, quand la Grèce intègre, elle, la bande de l'Euro. Vous jouez dans la pièce que vous avez écrite Amour et Chipolata en 2006, quand Diams... C'est... Voilà, alors déjà, voilà. Première erreur. C'est Laurent Baffy. Je n'ai jamais joué dans la pièce. C'est vrai? Ouais, jamais. Bon alors, c'est très Bruce Willis, mais on va fouetter l'équipe. Donc, vous écrivez une pièce. D'accord, voilà, je sais pas. En tout cas, en 2006, vous avez dû faire des trucs. Et en 2006, c'est quand Diam, c'est dans le top 10 des ventes d'albums. On va rechercher ce que vous avez fait en 2006, je vous le promets. Mais vous êtes... Jean-Luc Lemoyne. Oh, bah, c'est lui quand même. C'est lui, c'est reconnu, malgré tout. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Alors j'en profite pour faire appel à l'équipe parce que moi j'aime pas ça quand il y a une erreur. Oui, mais alors, je comprends. Donc, alors on va chercher. Il a écrit la pièce, ouais. Mais il n'a pas joué dedans. Ah, voilà, c'est ça. J'ai écrit une pièce en 95 qui s'appelait Les Grillades du Souvenir et tout le monde me disait que c'était un très mauvais titre. Ouais. Et 10 ans plus tard, une équipe m'a dit tiens, on reprend la pièce, mais on change le titre. Ils m'ont dit Amour et Chipolata, donc je me suis caché parce que j'avais honte du titre. Et finalement, c'est devenu un succès, mais j'étais pas dedans. D'accord. Bon, alors ça doit traîner quelque non, part. Non, mais en 2006, il a pris une douche. Oui, voilà, ouais. Il y avait Vizorek avec lui. Excusez-moi, alors, comment je dois le prendre, ça? Vous pensez que depuis 2006, j'ai pas pris de douche, c'est ça? Jean-Luc Lemoine, on peut vous voir dans Si vous avez manqué le début, c'est à l'Apollo Théâtre jusqu'au 16 janvier. Alors, l'Apollo Théâtre à Paris. Où est-ce et c'est quel théâtre? C'était l'ancien théâtre du Temple qui a été rebaptisé il y a un peu plus d'un an et donc il y a République. Voilà, à République à Paris. Et Guillaume Meurice qui est en direct de Nantes est allé vous voir. Oui. Guillaume, donc une interview en duplex avec Jean-Luc Lemoine. Oui. Oui, j'ai détesté donc du coup je suis parti loin parce que j'assume pas du tout. Non, c'est pas vrai. Effectivement, je suis venu. Alors c'est du Jean-Luc Lemoine donc c'est hyper drôle. Effectivement, Jean-Luc il a un capital sympathie à 10 000 donc ça lui permet de dire des saloperies avec le sourire, ce qui est pas pour me déplaire. Moi, il y a deux sketchs qui m'ont interpellé. Vous jouez un psychopathe et à un moment donné, vous jouez un animateur de supermarché. Et là, vous révélez des qualités de comédien qu'on connaissait pas, en fait, que moi, je soupçonnais pas. Alors, je vais savoir si c'est quelque chose vers lequel vous tendez. Est-ce que vous souhaitez développer ça dans des prochains spectacles ou même au Cinoche? Bah, le premier spectacle, bah, le Cinoche, de toute façon, je pense qu'on a une relation très distendue. on va dire que je sens pas un désir énorme du cinéma me concernant. Mais si ça devait se passer, j'en serais ravi. Après, le premier spectacle que j'ai fait, il y avait essentiellement des personnages de composition. Après, je me suis ouvert et j'aime bien alterner des personnages, enfin, des passages où je m'adresse directement au public, des passages où je joue la comédie. Donc, je me fais avant tout plaisir, j'espère faire plaisir au public, et si ça donne des envies à des réalisateurs, mais grand plaisir. Ce qu'on aime aussi, pardon Guillaume, on sent que ça déroute le public parfois. Le sketch du psychopathe qui arrive vraiment après un moment fort du spectacle. Parce que on est proche, ça crée quelque chose d'intéressant. On est proche du rire jaune et à la limite du malaise. Et moi j'aime bien. Moi c'est vrai que quand on me demande qu'est-ce que j'aimerais jouer, Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux, c'est ça qui m'intéresse. Mais j'imagine que vous avez un double public, c'est-à-dire que c'est celui qui vous a suivi depuis le début et celui qui maintenant vous rencontre à la télévision. Comment vous faites pour essayer de donner à chacun ce qu'il est venu chercher et qu'il reparte aussi avec autre chose en fait? J'ai des goûts très très éclectiques, donc ce qui fait que j'ai même un triple public, c'est les gens qui m'ont découvert sur scène parce qu'avant de faire du one man show, je faisais du théâtre. Après, il y a les gens qui m'ont découvert chez Ruquier avec un public de Ruquier, et après il y a les gens qui m'ont découvert chez Cyril, qui est un autre public encore, beaucoup plus jeune. Et c'est vrai que le spectacle, Si vous avez manqué le début, parce que ça ratisse large dans tout ce que j'ai pu faire depuis le début de mon travail sur scène. Et il y a ce qui est intéressant, c'est que les gens aiment un passage du spectacle, mais c'est pas toujours le même. Voilà. Guillaume Meurice. Oui, c'est un peu comme moi. Moi, j'ai un public France Inter. Je fais semblant d'être de gauche, mais en fait. Non. Est-ce que j'ai une dernière question? Est-ce que, comme disait un humoriste à l'époque de Ruquier dans son émission, est-ce qu'on peut dire que c'est le spectacle de la maturité, Jean-Luc Lemoine? Non, malheureusement, je pense que la maturité, j'espère qu'elle arrivera de très très très tard. Mais, non, j'aime bien l'idée d'avoir toujours quelque chose à apprendre. Ça nous empêche de vieillir. Guillaume Meurice qui a donc beaucoup aimé le spectacle de Jean-Luc Lemoine, oui, vous le recommandez Guillaume. Hein. C'est vrai parce qu'il l'a vu dans le bureau aussi. Ouais, c'est vrai. Alors si vous avez manqué le début, donc c'est Jean-Luc Lemoine à l'Apollo Théâtre jusqu'au 16 janvier, recommandé chaudement par l'équipe de Si tu écoutes, j'annule tout. Et jusqu'à 18h, il est avec nous. Sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps for burning down the trailer park. Yo, cut it. So I'm a loser, baby. other in a bag with the rerun shows and the cocaine knows ya. The daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So j'étais en train de dire I'm a loser baby, so why don't you kill me? Voilà, loser, Beck sur France Inter avec effectivement Juliette Arnaud. Jean-Luc Lemoyne. Je croyais que vous alliez dire non, mais compliment c'est pas à votre voisine. Parce que quand le morceau est parti, Juliette m'a dit mais je ne sais pas si on a mis ce morceau pour toi. Loser. Donc en tout cas, on est bien accueillis sur France Inter et ça fait bien plaisir. Vous êtes le bienvenu. Même Clara Dupont-Valo qui est venue pour vous exceptionnellement. Bonsoir. Je pense qu'on a cité tout le monde autour de la table. Jean-Luc Lemoyne est avec nous jusqu'à 18h. Vous pouvez le voir au théâtre, à l'Apollo Théâtre jusqu'au 16 janvier. Si vous avez manqué le début, si vous avez manqué les informations, on va vous faire un petit résumé. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Claude Guéant est entendu comme témoin assisté dans l'affaire Tapie. Les prochains objectifs de Claude Guéant figuraient quelque part dans l'affaire JFK, dans l'affaire du docteur Petiot et dans l'affaire Dreyfus. Oscar Pistorius devrait être libéré demain. Cela fait maintenant un an qu'il fait des mains pour sortir de prison. Bah non, l'expression c'est oui, faire bah, des... Oui, bah... Ah bah non, oui. Et il restera des brèves et des pas mûres. Oh. Clara Dupont-Moulin a compris cette même. Ça prouve qu'elle était nulle. Avec un brin de retard, mais c'est arrivé. Et, écoutez, c'est un journal, c'est oui, sérieux. Pardon, pardon, d'ailleurs, excusez-moi. On commence par les primaires à droite. Oui. Sarkozy veut diminuer le nombre de bureaux de vote. Oui, il trouve qu'il y en a trop. Il propose n'en mettre qu'un seul à Neuilly. Il ne voit pas l'intérêt de mettre un bureau de vote à Bordeaux ni dans la Sarthe. On reste à droite avec ce titre. Oui. Claude Guéant est placé sous statut de témoin assisté dans l'affaire Tapie. En fait, il n'y a plus un procès auquel Claude Guéant n'assiste pas. Alors, monsieur Guéant, nous sommes en duplex avec vous. Quelle est votre journée type, monsieur Guéant? Bah écoutez, simplement j'arrive vers 10h au palais de justice pour le procès des primes en liquide où je suis poursuivi. Mm-hmm. Vers midi, j'ai une petite heure pour déjeuner sur l'île Saint-Louis où j'ai mes habitudes. Mm-hmm. Vers 14h30, c'est le procès de la vente de tableaux. Hein. Oui. Je ne vous cache pas que j'espère être entendu vers 16h dans l'affaire Big Malion. Oui. Et 18h30, témoin assisté dans l'affaire Tapie. Mm-hmm. Si tout va bien, vers 20h, on met en garde à vue. Oui. Comme ça, je peux passer la nuit là-bas, hein, ce qui me permet d'être sur place le lendemain pour une nouvelle journée. Très bien, merci Claude Guéant. Voilà, la bien tapée sur la droite, on passe à gauche. Avec Jean-Marie Le Guen, il était ce matin sur iTélé et il s'exprimait à propos de Jean-Yves Le Drian. Oui, qui s'il se présente à la région Bretagne et l'emporte, serait dans une position de cumul avec son poste de ministre de la Défense. Et ça, Le Guen est clair là-dessus. Écoutez, il y a des règles, elles sont connues. Voilà, et Jean-Yves Le Drian s'exprimera demain. Ah oui, c'est rassurant, il y a des règles. Oui, mais exactement, parce que j'ai compté 31 secondes plus tard, Jean-Marie Le Guen. Il y a un adage qui dit que l'exception confirme la règle, donc si vous voulez... Donc il y a des règles. Et des adages. Voilà, c'est important de le savoir. Il croit qu'on les repère pas, les gars. 31 secondes entre les deux. International. En Russie, un ours affamé s'est introduit et s'est retrouvé coincé dans un centre commercial. Il a finalement réussi à sortir, mais il s'est fait abattre par la police. Voilà, d'après un communiqué officiel du gouvernement russe, c'est Vladimir Poutine Poutine qui a sorti l'ours de l'édifice à main nue. Il se serait fait une chapka avec depuis. Alors en Afrique du Sud, oui. Oscar Pistorius sera bientôt libre, seulement un an après son incarcération et après avoir rabattu sa compagne. Un an pour se débarrasser de sa compagne. Si Hollande avait su ça du temps de Valérie, un an, c'est rien, il serait sorti avant la fin de son mandat. Fait divers en France. Oui, dans le Nord, près de Valenciennes, une dame de 79 ans a été passée au Karcher par sa voisine. Ah bah vous voyez qu'il y a encore des Sarkozy. Et on termine cette édition avec un son qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Oui, un certain Ronnie a ingurgité énormément d'émissions de questions pour un champion. Et on a régurgité ceci pour les amateurs d'absurde. En avril 2010, comment appelle-t-on les membres de l'église chrétienne, père du mouvement punk, présentant des taches rappelant la peau de la vipère, composée d'un mélange de légumes cuits, préparant l'émancipation politique des pays d'Afrique noire. Oui, un vélo? Non. Oui, Jacques. En 1984? Non. Voilà, ça dure très longtemps comme ça. Et c'est extrêmement drôle. Merci, voilà. C'était les informations sur France Inter. Il est 17h24. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Luc Lemoine. Et on qui va rester donc. Hein, qui est content. Qui est consterné. Qui est consterné. Quand non, il y a un texto à Hanouna, il n'y a rien à prendre. Je l'ai lu. Le premier sujet avec vous. La politique est un monde violent où les coups viennent souvent de son propre camp. Dernier épisode, le duel Sarkozy-Copé que la presse nous annonce sanglant. Toute cette violence fait même l'objet d'un livre où il manque un épisode d'ailleurs. Oui, celui où le même Nicolas Sarkozy tente de se débarrasser de Nadine Morano. Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque. On la passe à l'acide. On la découpe au laser. On la dissout et on balance ce qui reste dans le lac Dominique. Voilà. Blier, Audiard, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Il y a donc un livre qui s'appelle Frères ennemis de Renaud Dely de l'Obs et de Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France sur cette violence en politique. Alors, d'après François Rebsamen, par exemple, ancien ministre du chômage, rentré à Dijon, un ami de longue date de François Hollande, il a par exemple été éclipsé par Macron qui l'a mauvaise et Rebsamen dit Hollande est un galet, il n'a pas d'affect. On a l'impression, ces derniers temps que la politique produit des monstres. Alors vous, Jean-Luc Lemoine, est-ce que vous regardez ça avec circonspection, délectation, ça vous fait marrer ou ça vous inquiète? Est-ce que vous constatez cette violence dans le débat politique tous les jours? Oui, ça m'amuse, il me consterne en même temps, c'est assez fascinant et en même temps, on a l'impression que les meilleurs ennemis sont dans le même camp, donc on a juste à attendre qu'ils se bouffent les uns des autres. Sauf que le souci, c'est qu'après, on vote pour qui? Parce que finalement, qui va rester à la fin? Ça, on ne sait pas, mais oui, et Clara Dupont-Mono. C'est-à-dire que quand on lit les extraits du livre, on s'aperçoit à quel point on est au niveau d'un peu de la cour de maternelle, parce qu'on a Stéphane Le Foll qui dit à François Hollande « Mais enfin, qu'est-ce que Macron a de plus que moi ?» Et après, on lit Rebsamen qui dit à Hollande, alors qu'il a nommé Manuel Valls, il lui dit « T'es dégueulasse, t'es vraiment un dégueulasse !» On est au niveau quand on le lit comme ça. Vous êtes sûr que c'est pas Jean-Luc Azoulay qui écrit tout ça? Oui, on dirait du AB Production, vous avez raison. Est-ce que ça vous évoque pas du AB Production ou de la cour de maternelle ou un couple un couple jeune un amour de vacances oui d'ailleurs dans les bonnes feuilles qui paraissent dans l'Obs ils expliquent que Valérie Trierweiler s'en est pris physiquement au président de la République le soir ou la nuit où Closer est sorti avec le scooter et le casque et qu'elle l'a griffé c'est une femme c'est une femme elle a le droit de s'exprimer aussi on va recevoir des tweets à cause de vous tant mieux tant mieux ça va vous changer alors il y a aussi la nouveauté parce que on a 4 auditeurs qui sont capables de tweeter, on les remercie. La nouveauté, ça a toujours existé, cette violence en politique, les coups tordus, c'est des choses qui nous passionnent finalement, on cherche à savoir un peu les coulisses de tout ça, mais aujourd'hui tout se règle en pleine lumière par médias interposés. Mais est-ce que aussi les médias ne sont pas plus à l'affût de tout ça, des petites phrases, du buzz, des guerres intestines? Oh bah pas nous hein. Votre boulot dans les émissions de télé où vous êtes passé, c'était souvent de monter les gens les uns contre les autres en disant ce qu'ils disaient dans le dos des autres. C'était un peu ça, mais c'était aussi, moi je me suis retrouvé souvent dans des émissions où les invités étaient souvent malmenés. Donc je trouvais bien d'équilibrer la balance en montrant que les gens qui critiquaient n'étaient pas parfaits. C'est ce que je faisais du temps du médiateur chez Ruquier avec Nolo et Zemmour, et avant c'était Zemmour et Pollack. Et c'est ce que je fais aussi dans Touche pas à mon poste. Alors, dans le Parisien aujourd'hui en France aussi, il y a bien sûr, il y a l'exemple des Le Pen quand on dit que la violence vient de son propre camp. On est vraiment dans le bon exemple. Donc, Le Pen qui ose la comparaison entre Florian Philippot, il soupçonne Florian Philippot de vouloir couler le FN, et il ose la comparaison avec le copilote de la German Wings. Il dit, comme Lubitz, Philippot avait mûri son projet de longue date, et Marine Le Pen répond, je pense que c'est dans le livre, il se fait pas d'illusion, il va me faire chier jusqu'à son dernier souffle. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, il ose des comparaisons très très heureuses. Hein, quand même. Ouais, effectivement. La German Wings, c'est. Ouais, ouais. Mais il y a des vrais scénars là-dedans, non de... Bah, Dallas. Ouais. Ouais, ou AB Productions, parce que, ouais. Comme quand Jean-Marie Le Pen dit de sa fille, hein, il faudrait qu'elle soit un peu cultivée. Oh, vous dites, ça va. C'est vraiment de la bouillabaisse de haine rance. Parce qu'il y a un panache quand même à la flèche bon bien décochée, au oui. Bon mot assassin. Il oui. Y a quand même un certain panache, on peut en trouver. Et oui, vous trouvez pas, Jean-Luc Lemoyne, que là, il y en a pas qui était un peu littéraire, j'ai l'impression que c'est révolu comme période, du tour de Mitterrand, d'autres. Ouais. Et là, maintenant, c'est vrai, comme vous le dites, c'est la cour d'école et c'est ça qui est un peu décevant. Dommage. C'est vrai qu'au niveau du vocabulaire, on entendait l'extrait d'Audiard, ça pouvait être du Audiard il y a quelques années. Exactement. Maintenant, on en est vraiment loin. Et donc, ouais. C'est vraiment des coups bas. Et le pire, c'est qu'on s'y habitue tous. Voilà, on trouve ça normal maintenant qu'ils se massacrent les uns les autres. Et c'est vrai que le spectacle Le Pen est assez triste. On s'inquiéterait presque s'ils se massacraient pas maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ils se massacrent plus, qu'est-ce qu'ils sont morts? Bon. Juliette Arnault. Mais est-ce qu'on serait vraiment inquiet s'ils étaient morts? Non, je ne pense pas. On ne serait pas inquiet. On serait pourfendu, mais on ne serait pas inquiet. Alors, Juliette, il est question de Cinoche aujourd'hui. Tout à fait. Si, quand vous pensez Mexique. C'est ça qui vous vient. Un cavalier qui surgit lors de la nuit. Ou ça. Il est plus que temps de réinitialiser votre disque dur interne. Et pour ce faire, en ce moment dans les salles de cinéma françaises, il y a Sicario, réalisé par Denis Villeneuve qui, comme son nom l'indique, est québécois, donc presque français. Oui, Charline, quand les gens sont super talentueux et de nationalité belge ou suisse ou québécois, hop, je les annexe au nom de la France. Sicario se passe au Mexique, à la frontière entre El Paso, ville américaine, du bon côté, et Juarez, ville mexicaine, du mauvais côté. Je me permets de qualifier Juarez d'être du mauvais côté. Je ne suis pas raciste. On n'aura pas de tweet de Juarez, toute façon. Je ne pense pas. Ou bien dans une langue qu'on ne comprendra pas. Je ne parle pas espagnol. Donc non, c'est juste que Juarez, c'est une des villes les plus violentes au monde, puisque totalement aux mains des cartels de narcotrafiquants les plus dangereux, dans un pays qui de toute façon est corrompu à la moelle et qui pratique le meurtre, le kidnapping et la torture comme Claude Guéant pratique les entretiens avec la justice non-stop H24. Au centre de Sicario, il y a un jeune officier du FBI et c'est une femme, incarnée par Emily Blunt. Oui, le héros d'un film est une femme et ce n'est pas une comédie romantique. Et l'actrice, c'est pas Meryl Streep. Merci Denis Villeneuve, sois bénie. Donc, elle est officier au FBI et qui dit FBI dit à l'intérieur des frontières américaines. Et ces enquêtes, quoique rondement menées, finissent toujours en autre boudin parce que justement, à un moment ou à un autre, bim, elle se cogne à la frontière. Et c'est là qu'elle est approchée par un type, incarné par Josh Brolin. Josh Brolin. Je me souhaite de vieillir aussi bien que Josh Brolin. Dont on ne comprend pas, et Emily Blunt non plus d'ailleurs, s'il est de la CIA, de la DEA, si c'est un barbouze ou un pied-niquelé. Toujours est-il que le gars l'invite, elle et son coéquipier, à les accompagner de l'autre côté de la frontière si elle a vraiment à cœur de mettre la main sur les vraies têtes pensantes et meurtrières du cartel. Et là, Emily Blunt, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit oui. Et c'est là que les Athéniens atteignirent, plus prosaïquement, que les choses partent en cacahuète. Parce que, prenons 10 secondes pour un petit peu de linguistique, Alex. Que veut dire Sicario? Je sais pas. Très bien. Vous vous attendiez un peu à cette réponse, non? Oui, je l'avais vu dans vos yeux. Il n'y avait rien. Donc je me suis dit, bon, il ne le sait pas. Sicario, en espagnol, ça veut dire tueur à gages. Mais la question du film, c'est qui sont les vrais tueurs à gages dans cette histoire? Et qu'est-ce qui se passe quand les supposés gentils de l'affaire adoptent les méthodes des méchants? Et qu'est-ce qui se passe quand les États-Unis, au nom de la sacro-sainte guerre contre la drogue, en profitent pour mettre au pas politiquement toute l'Amérique du Sud? Ben, c'est ce que va découvrir Emily Blunt et nous, spectateurs. Parce qu'en fait, on s'identifie à mort avec cette officier du FBI, mais qui est jeune par rapport à des vieux plus capés. Et quand elle a peur, on a peur. Quand elle perd pied, on perd pied avec elle. Bref, c'est très inquiétant. La réalisation est parfaite. Elle est sèche, elle est étouffante. Elle n'est jamais autant ostentatoire, mais très spectaculaire. Les acteurs sont impeccables. Benicio Del Toro en tête. Hein. Bon, il est jamais mauvais, mais là, carrément, il met le feu à la pellicule. Et à moi. Et pour ceux qui se disent... C'est plus facile déjà, non ? De me mettre le feu ? Que la pellicule. Eh bien, je ne sais pas, essayez, Alex. Et pour ceux qui se disent, in petto, mais quelle midinette cette Juliette, je vous en supplie, allez voir le film et s'il vous plaît, allez le voir au cinéma. Denis Villeneuve, ça mérite un grand écran de cinéma. Et réservez votre jugement sur ma personne jusqu'au moment où il va dire dans le film à Emily Blunt, « Welcome to Juarez ». Et si vous n'êtes pas traversé par le désir, que ce soit à vous qu'ils disent « Welcome to Juarez », je vous rembourse votre place de cinéma. Et tout ça est dit in petto, hein, bien sûr. Mais tout ça, c'est in petto, bien sûr. Par Juliette Arnaud. Vous êtes sur France Inter. Merci Juliette pour ce conseil cinéma. Nous sommes en compagnie de Jean-Luc Lemoine que vous pouvez voir à l'Apollo Théâtre jusqu'au 16 janvier si vous avez manqué le début. Et c'est le titre de son pestacle. Je mets le vernis, je l'enlève, je le mets le vernis. Je l'étale et après je l'essuie. C'est pas mal, je sais pas si c'est joli. Et les cheveux, je les tresse, je les lisse, mes cheveux. Je les dresse, je les plisse un petit peu. Ou je les laisse, je sais pas si c'est mieux. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez. Allez, miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose, réponds-moi quand je te cause. Allez, allez. Oh, et le phare, sur ma peau, sur mon front, au hasard. Il en faut, mais pas trop, trop de phare. Non, pas trop, sinon ça fait bizarre. C'est du ricil que je dois mettre sur mes yeux, sur mes cils. Mais peut-être pas les deux, je suis débile. Oui, peut-être c'est affreux le récit. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te pose. Allez, allez. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te pose. Allez. Je t'attends, moi j'ai plus l'air de rien. Bon, les cheveux, c'est du noir, c'est du blond, c'est du bleu. Je veux savoir si c'est long, si c'est peu. Je veux savoir si c'est le bon mieux. Je suis folle, je suis laquelle. Tout est flou derrière mon maquillage. En dessous, je ne vois plus mon visage. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez, allez. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez, allez. Vernis, c'est Luce qui chante, et c'est la playlist France Inter. C'est beau. Certains l'ont bien reconnu. Voilà, vous êtes bien sur France Inter, il est 17h36, nous sommes en compagnie de Jean-Luc Lemoine. Oui, je voulais dire, parce qu'il s'est moqué du fait qu'on n'avait pas beaucoup de tweetos, Jean-Luc est déferlante sur Twitter, hashtag annule tout, ils sont venus, ils ont dit non, on est là, il y a six tweets qui sont arrivés pour dire ça. Je retire. Alors vraiment, je voudrais quand même remettre l'église au milieu du pont. Dont Madame Vizorek, la mère d'Alex, on a repéré. Guillaume Meurice est en direct de Nantes. Oui. Il joue, il joue toujours dans la salle Kev Adams. Toujours, eh malheureusement. Mais de toute façon, je suis puni. Si je ne m'abuse, c'est votre parrain Kev Adams dans le métier. C'est lui qui m'a fait débuter. C'est vrai qu'il a commencé à 4 ans. Voilà. Ah bon, et puis aussi, il y a Robert Mamias, qui est votre maître en journalisme, et la preuve tout de suite. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je vais vous parler géopolitique aujourd'hui en direct de Nantes. Je me sens un petit peu comme le Bernard Guetta du Petit Lu, hein, le Laurent Fabius de la digue du cul. J'ai enquêté sur la polémique historique. La ville de Nantes se situe-t-elle en Bretagne ou pas ? Alors ça fait partie des questions récurrentes hein, que l'on pose sur la Bretagne. Y en a d'autres, hein, par exemple, pourquoi le papa de Vincent Bolloré n'a-t-il pas subi une vasectomie ? Ça, c'est vrai que bon, on se pose la question, c'est dommage. Ou encore d'autres questions hein, sur la Bretagne, comme par exemple, pourquoi Nolwenn Leroy ? Ah, voilà, ça, c'est vrai que c'est dommage aussi. Mais la question qui nous passionne aujourd'hui, c'est bien celle de la situation géographique de la ville de Nantes. Bretagne ou pas ? Tentative de réponse avec un premier habitant. Bah, je dirais oui. Il y en a qui disent non. En fait, c'est que en fait, Nantes est au-dessus de la Loire. Donc, bah, tout ce qui est au-dessus de la Loire fait partie de la Bretagne. Et tout ce qui est en dessous, bah non. Quoi. Moi, je suis au-dessus de la Loire, mais je me considère comme breton. Alors, attendez, du coup, vous venez de dire l'inverse. Vous venez de dire que tout ce qui était au sud, c'était pas breton. Mais oui, c'est pour ça que moi, je me considère breton, mais je ne suis pas breton. Si je dis que le fait que je sois en dessous de la Loire, je ne fais pas partie de la Bretagne. C'est compliqué. Oui, oui, c'est compliqué, hein, c'est très très compliqué. À côté, une chronique d'André Manoukian, ça paraît limpide. Même gérer le calendrier d'André Manoukian, hein, ça paraît plus simple. Anticiper quand il vous plante à la dernière minute, c'est moins galère que de répondre à cette question sur Nantes. Mais bon, je suis un homme de défi. J'ai continué mon investigation avec un autre habitant. Est-ce qu'il se sent breton ? Non, non. Ah bah pourquoi alors ? Bah breton, non, non, je me suis pas posé trop la question, mais j'ai pas de racines bretonnes. Est-ce que vous sentez vendéen ? Non, bah plutôt breton à ce moment-là, oui, que vendéen. Ah oui, alors quand même breton. Ouais, si vous voulez. Ah mais non, c'est pas moi qui veux, c'est vous. Non, non, non. Bon, non, non, bon, lui, on sent que le débat le passionne pas plus que ça. Hein. On aurait dit fleur pèlerin dans une bibliothèque. Mais il y a des gens que la question intéresse, notamment cette habitante. Oh, moi, je vois la Bretagne, mais oui, oui, oui, oui. Alors pourquoi ? Ah ben, oui, hein. Ben, on a eu la duchesse, là, la reine, machin, à côté dans le château. Hein. Oh, oh, on a été envahi par les... Par les Anglais ? Non, aussi, peut-être bien, parce qu'ils ont dû... Bien... Ben, par les Bretons, alors ? Non, non, dans ce temps-là, c'était en 1000... Qui c'est qui est arrivé sur la... Partout d'ailleurs, pas que... Vous étiez déjà là, vous ? Hein ? Non, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On sent que c'est pas trop le moment de faire des blagues là-dessus non plus. Mais on avance dans l'enquête, hein. On sait qu'il y a la duchesse machin qui est venue habiter dans un château. C'est déjà bien, ça progresse. Alors, duchesse machin qui est, paraît-il, le titre du prochain livre hein, autobiographique de Clara Dupont-Monod, dont le sous-titre est « Confession d'une gueuse qui se prenait pour une aristocrate hein. ». De rien pour la promo, Clara. Je vous signale que la duchesse de machin, avec un peu de chance, c'est Alinor d'Aquitaine, hein. Non, c'est oui, c'est Anne, c'est Anne de, je sais Bretagne. Pas quoi, de Bretagne. Anne de Bretagne. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On vous en voudra pas, il y a beaucoup d'imprécisions, hein, on n'est pas dans du Michelet non plus. Bon, poursuivons avec l'enquête sur la Bretagne, donc avec un autre passionné. Moi, je m'en fous, je suis Picard. Alors, un avis de Picard sur la question. Moi, je suis breton, dans l'âme. Ah, vous êtes breton ou Picard ? Ouais, breton et Picard, les deux. Vous êtes métis ? Oui, c'est mieux. C'est breton. Bon, tout ce qui est blague sur le sujet, c'est définitivement pas du tout une bonne idée. Hein. Alors quand ça dégénère comme ça, moi j'ai une technique de combat assez élaborée et assez efficace qui s'appelle simplement la fuite. Hein. C'est la même que celle du DRH d'Air France, hein, juste avant qu'il entame sa carrière de stripteaseur. Bonne chance gros. Alors, je dis gros parce qu'il a pris un peu, hein. On a vu les images. Hein. Je lui conseille une petite grève de la faim avec les gens qu'il a virés. Ça devrait lui faire le plus grand bien. Bon, moi ma carrière de géopoliticien, elle semblait mal barrée. Heureusement, j'ai rencontré une certaine Marivonne, qui, elle avait un avis éclairé sur la question. Alors, Nantes est en Bretagne ? Bah pour moi, non. Ah, bah alors voilà. Moi, bien. Je suis de la Boissière du Doré, c'est écrit Bretagne historique, je trouve ça débile, mais bon. Qu'est-ce que vous pensez des Bretons ? Bah rien de spécial, hein. À part qu'ils ont une tête de cochon, il paraît. Ah oui, alors ça je peux vous le confirmer. D'ailleurs, en Bretagne, tout est cochon, il y en a partout. Saviez-vous que la Bretagne produit autant de lisiers de porc en un an que la rédaction du Figaro Magazine en une semaine hein. C'est très impressionnant. Mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. J'ai pas parlé du Parisien Magazine. Hein. Vous avez vu, Clara, je suis resté quand même poli. Va-t-on enfin avoir le fin mot de l'histoire sur cette belle ville de Nantes ? Concluons avec une amie de Marivonne. Alors, est-ce en Bretagne, oui ou merde ? Bah, merde et oui. Mais comment vous faites ? Bah, je sais pas. Bah, j'aurais dit un petit peu oui quand même. Un petit peu oui, puis un petit peu non, quoi. Bah, voilà. Ça, c'est une réponse de Normand, pas de Breton. Bah oui, mais là aussi, on a quand même château des ducs, voilà. Enfin, je sais pas. La Bretagne profonde, non, mais un petit bout. Il y en a qui disent que vous n'êtes pas du tout en Bretagne, c'est ça le truc. Ouais. Par exemple, madame. Bah là, Marie-Yvonne, tu racontes des conneries. Et oui, Marie-Yvonne, elle raconte des conneries. Mais ceux qui disent l'inverse aussi, car c'est le concept même de frontière qui est une véritable connerie. Merci Guillaume Meurice, en direct de Nantes, et donc on remercie France Bleu. Mais tout à fait, on remercie le meilleur technicien de France Bleu Loire-Océan. Le seul. S'appelle François Géant. Très bien, et chez nous, sur France Inter, Jean-Philippe Jeanne est aux manettes aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Luc oui. Lemoine sur France Inter. Sujet 2, tiens, eh bien, l'Obs, qui est paru ce matin, a trouvé le moyen de hisser Julie Gayet en couverture. Le prétexte, évoquer son influence sur le président. Elle joue un rôle d'entremetteuse dans le milieu culturel. Elle est parfois soupçonnée d'aider l'un ou l'autre de ses amis à se placer. Qu'est-ce qui m'a donné l'âme d'un artiste, c'est le piston. Qu'est-ce qui m'a rendu toujours optimiste, c'est le piston. Qu'est-ce qui m'a fait venir à Paris, c'est le piston. Bourville, pour illustrer Julie Gayet. Alors, oui, alors Julie Gayet de nouveau en une de l'Obs, qui est quand même, voilà, c'est sérieux, hebdo News Mag. Quelle est votre réaction quand vous voyez qu'il y a encore Julie Gayet en une des hebdos? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont déguisé en Grace Kelly. Oui, un petit peu, d'ailleurs, dans l'article aussi, d'ailleurs. Ah, voilà. Bah, on est vraiment dans la pipolisation de la politique et le problème c'est qu'il faudrait que ça soit démenti, soit confirmé une bonne fois pour toutes pour arrêter tous les fantasmes. Oui, ouais, mais en même temps ça fait vendre du papier donc ils ont bien raison. Voilà. Qu'elle joue les entremetteuses un petit peu dans le milieu culturel, parce qu'elle a l'oreille, un peu plus hein, que l'oreille du président. Vous avez des sources visiblement. Non, est-ce que vous trouvez ça choquant ou finalement ça se fait partout et voilà, si c'est sa compagne et qu'elle est dans le milieu culturel, qu'elle joue les entremetteuses. Très sincèrement, si elle est avec François Hollande, qu'elle en profite un peu. Qu'elle en profite un peu. Je sais que c'est vous, si vous étiez la compagne de François Hollande, par exemple. Ah, mais moi, je me gaverais, mais ça serait. je vous régalerais tous, hein, vraiment. Je n'oublierais personne. Alors, dans l'article, on apprend quand même qu'il y a une sorte de destinée, c'est-à-dire qu'elle a un père chirurgien. Pote de Cahuzac, il y a Jean Glavany qui l'a connue toute petite Julie alors qu'elle était enfant. Les Gayet louent un appart dans le quartier de l'Élysée, ils sont assez proches de plein de gens de la sphère socialiste, proches de François Hollande. Donc finalement, il y a pas de hasard, il y a pas de conte de fées, c'est pas AB Productions quoi. On est déçus. Si, c'est quand même quand vous êtes ami Cahuzac dès le départ, c'est pas non plus la voix rêvée, hein. Faut pas exagérer. Après, c'est bien parce que moi j'ai toujours eu l'impression que c'était une femme assez indépendante et de conviction, donc. Je sais pas, moi ça me choque pas du tout ce qui se passe autour d'elle. Et puis surtout, j'ai l'impression que peut-être qu'elle a l'oreille du président, peut-être qu'elle s'en sert de temps en temps, mais en même temps, elle a pas attendu d'être avec François Hollande pour faire des choses. Non, bien sûr. Alors tiens, je vous fais partager un petit passage de l'article de l'Obs qui est intéressant parce qu'à l'automne 2012, Jean-Luc Hesse, qui était notre président de Radio France, s'inquiète pour le budget 2013 de Radio France. Il ne connaît pas Hollande, il a été nommé sous Sarkozy. Mais il connaît bien Julie Gayet. Alors elle lui dit « Veux-tu que je t'organise un rendez-vous avec le président ?» Elle lui donne une adresse rue du Faubourg Saint-Honoré, près de l'Élysée donc, un rendez-vous fixé à 8h du matin. Le jour dit, Jean-Luc S. se présente et grimpe au 6e étage de l'immeuble. Il s'installe dans un bureau de cet appartement qu'il ne connaît pas. Il attend. 5 minutes plus tard, il entend des pas dans l'escalier. Hollande déboule. « On m'a dit que vous vouliez me voir. » Voilà, l'entretien dure une heure. Ça s'est réglé pour le budget de Radio France. C'est quand même bien la preuve qu'elle n'a pas beaucoup d'influence. Parce que Jean-Luc Hesse, il est où là? Il n'est plus là. Mais voilà un bon conseil pour Mathieu Gallet. C'est-à-dire, prenez rendez-vous avec votre sœur, Julie Gallet, et un petit rendez-vous avec Hollande, et bim, et c'est réglé, et puis voilà. Pourquoi vous n'y allez pas vous? Hein, moi? Pour décupler les budgets de l'émission. Non, c'est pas mon rôle. Clara Dupont-Mono. Charline Van Hunecker. La lecture de la semaine chez vous. Ah oui, alors bah, attendez, parce qu'il y a une actualité. L'actualité éclairée par un roman. Il faudrait d'ailleurs qu'on trouve un nom à cette chronique, je vous signale. Ça fait un an qu'on espère que vous allez trouver un nom à cette chronique. Oui, alors genre actualisique, c'est pris. Oui, actualiture, allez, c'est parti. Actualiture, parce qu'il y a aussi un anniversaire oublié qui est le 15 octobre 1945. Et ce jour-là, Pierre Laval, qui était un proche collaborateur de Pétain, il est fusillé dans la prison de Fresnes pour haute trahison. Donc on l'abat. Et dans l'ombre, Pierre Laval, il laisse sa fille, qui s'appelle Josée, et qui sera la pestiférée, l'enfant à la lignée maudite, à la passion maudite d'ailleurs, parce que Josée, elle adorait son père, et qu'il est trempé quand même de très près dans une chasse antisémite abjecte. Visiblement, c'est pas ça qui avait arrêté son amour. Alors comme la littérature, elle raffole des zones d'ombre, eh bien voici justement que nous arrive un excellent roman qui s'appelle « Moi, José Laval » de Yves Pourchet et c'est paru au Cherche Midi. Yves Pourchet, il imagine le journal intime de José Laval. Alors comme il est historien, il s'est appuyé sur ses carnets intimes, mais le temps d'un roman, il se met à sa place. En fait, il lui donne la place que la postérité, parfois plus objective qu'un écrivain, ne lui a pas accordé. Et alors, que dit ce journal intime ? Eh bien, il dit une jeune fille éperdue d'admiration devant un père d'abord socialiste, et oui, qui l'emmène voir les ouvriers à Aubervilliers en se promettant d'améliorer leurs conditions. Une jeune fille qui écrit, je cite, « Je savais tenir mon rang et je servais papa ». Une jeune fille qu'on inonde d'invitations, de robes, de cocktails, de dîners au moment précis où Pierre Laval est choisi par Pétain. C'est aussi donc le journal intime d'une France qu'en général, on préfère ne pas voir. José, c'est comme ça, elle traverse la guerre, mais comme on traverse une salle de bal. Elle écoute Göring qui lui parle de peinture, elle fait la fête avec sa... C'est charmant. Elle fait la fête avec Arletty, sa nouvelle meilleure copine parmi les uniformes. Elle reçoit bien quelques lettres d'amis juifs qui lui disent, je cite, « Nous nous tournons vers vous », mais rien qui ne l'alarme réellement. Elle a passé des lettres à papa ? Non, justement, et Yves Pourchet lui fait dire, je cite, « Pour chasser toutes ces mauvaises images, je commandais une robe du soir pailletée de coquillages dorés. » En 1944, elle entend pour la première fois dans la rue hurler « Laval au poteau » et elle trouve ça injuste. Et quand il meurt, le 15 octobre 1945, elle se jure d'honorer sa mémoire, ce qu'elle va faire toute sa vie. Là, on a un thème romanesque extrêmement intéressant, assez peu exploité, qui est « Les enfants des bourreaux ». Qu'est-ce qu'on fait et comment on vit quand on est enfant de bourreau ? Ils ne sont pas nombreux à écrire là-dessus. Et il y en a un qui écrit dessus avec Yves Pourchet, qui s'appelle Lionel Duroy, et qui s'est lui aussi intéressé de très près aux enfants de salauds. Et il a écrit notamment un livre qui s'appelle « L'hiver des hommes ». Et ce livre de Lionel Duroy, il résonne très étrangement avec celui d'Yves Pourchet. Dans « L'hiver des hommes », il est question de Gudrun Himmler, la fille de Himmler. Et son prénom, c'est Gudrun. Ah ben, Gudrun. C'est très joli. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Très fort. Voilà. Est-ce qu'il y a un coffret pour Noël avec toutes les filles de... Non, mais vous allez voir, c'est intéressant. Si vous faites 2-3 gymnastiques c'est à vos neurones, vous allez voir. Mais Gudrun, non, mais c'est Gudrun. Il n'y a que Juliette Arnaud qui me suit. Mais je vous bois. Voilà. On était à fond sur Gudrun, allez-y. Parce que non, mais Gudrun Himmler, c'est comme José Laval. Elle adorait son père et elle a choisi de lui rester obstinément fidèle. C'est-à-dire que leur nom est un boulet. Elles vont pas trouver de travail. Elles vont passer le reste de leur vie en fait à subir les colibés et une forme d'exclusion qui est quand même bien normale, mais elles vont rester fidèles à leur nom, c'est-à-dire à leur père. Et puis il y en a d'autres que mentionne aussi L'hiver des hommes de Lionel Duroy, l'inverse, qui choisissent le bras d'honneur ultime, en général c'est le suicide signé. Et c'est le cas de Anna Mladic, la fille du général serbe Mladic, qui était de tous les combats, qui adorait son père et à la surprise générale, en 1994, qui est allée chercher le revolver de son père et qui s'est suicidée avec. Et personne n'a compris à quel moment ça avait basculé dans sa tête pour qu'elle comprenne que son père, Mladic, n'était pas le héros qu'elle voyait avec ses yeux de petite fille. C'est aussi, il cite le cas d'un le fils d'un dignitaire nazi, qui s'est suicidé d'une façon qui est restée dans les annales. Il s'est suicidé en buvant du lait. C'est-à-dire que, mais oui, non, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est un fils qui avait une vingtaine d'années d'un dignitaire nazi qui n'a bu que du lait. Le suicide au lait. Exactement. D'accord. Et c'est resté un cas psychiatrique. Il s'assied et il ne boit que ça. C'est-à-dire que non, mais les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'était un mensonge. Des sensations pures, c'était aussi un mensonge. C'est-à-dire que quand on en boit 10 litres d'affilée, j'imagine qu'au bout d'un moment, ça tue. C'est qu'au bout d'un moment, vous devenez obèse. Vous êtes évidemment en carence vitamines, protéines, et donc le cœur finit par lâcher. Et ça s'appelle mourir du père. Et en plus, vous voyez la symbolique que ça suppose. Mais oui, la symbolique que ça suppose, c'est que le lait, c'est évidemment connoté de façon maternelle. Et puis bien sûr, c'est l'innocence, c'est la pureté, c'est la blancheur. D'ailleurs, au soir de sa vie, quand le médecin annonce à José Laval qu'elle est atteinte d'un cancer, qu'est-ce qu'elle fait ? Je cite Yves Pourchet, « Le soir même, sur mon corps malade, je passais une robe de satin blanc. » Comme quoi. Je vous redonne les références. « Moi, José Laval » de Yves Pourchet est paru au Cherche Midi. « L'hiver des hommes » de Lionel Duroy n'est pas récent, mais vous le trouvez encore, il est paru chez Julliard. Merci Clara Dupont-Mono. Est-ce qu'il y a une série sur les enfants de pédophiles ou ce genre de trucs? Ça va décliner à l'infini. La littérature, c'est pas Juliette Arnaud qui va me contredire. Elle est là pour éclairer les zones d'ombre. Si les romanciers ne font pas ça, il nous manque quelque chose dans notre histoire. Se jeter sur Gudrun, évidemment, maintenant. Vous êtes toujours sur France Inter en compagnie de Jean-Luc Lemoine, que vous pouvez voir au théâtre Si vous avez manqué le début, c'est son spectacle à l'Apollo Théâtre, c'est jusqu'au 16 janvier et c'est à 20h. Il me regarde bizarre. Et avec vous, non, pas du tout, il est concentré. Avec vous, on va aborder le troisième sujet. Une chercheuse fait remonter les origines du stand-up à Mark Twain. En 1863, celui qui n'est pas encore écrivain, mais journaliste, figurez-vous, se met à offrir des discours satiriques sur scène. Mon père, il m'a toujours dit, le théâtre, c'est pour les homosexuels, il est pénible, il est dur. Il a changé d'avis dès que je lui ai offert sa première voiture. Le lendemain, il m'a dit, ça se passe bien, les ripettes, là. Je suis un cabotin, dans toute sa splendeur, je suis né pour jouer. Je suis un cabotin. C'est bon. Charles Aznavour, featuring Jamel. Une chanson qui évoque des souvenirs à Guillaume Meurice, non? Oui, il est réveillé. Vrai. Ah, mais il nous écoute, Guillaume Meurice, en fait. Je vous écoute, je vous entends. Très bien. Alors, dans l'Obs. J'aime beaucoup les chanteurs suisses, donc j'aime beaucoup Charles. Dans l'Obs, c'est la fête à l'Obs cette semaine. Il y a un article qui nous explique voilà, que Mark Twain, parce que paraît sa biographie posthume, était le père du stand-up. Alors, pourquoi le ton d'une conversation informelle, en ponctuant son récit de blagues écrites, il simule la lenteur mentale par des grimaces et feint de ne pas comprendre pourquoi les gens rient quand il fait des lectures sur scène, où il parle de la vie quotidienne en passant de parfois du coq à l'âne. Est-ce que vous retrouvez là quelques signes du stand-up, même si moi je pensais que c'était Thomas Sisley qui avait inventé le stand-up, donc c'est une petite déception. Autre excellent majeur. Mais c'est vrai que ça correspond. Thomas Sisley, il a inventé la traduction d'humoriste américain. Mais il est vraiment très méchant, ce Meurice. Oui, c'est pour ça qu'il est loin. Il est très très méchant. On l'a mis loin. Ce côté un peu historique de votre discipline et de votre art, Jean-Luc Lemoyne, ça vous intéresse un peu? Des fois, vous en parlez entre humoristes? Moi, je trouve ça fascinant, ça m'intéresse énormément. Et je trouve que justement, autant quand vous allez jouer au Québec, vous vous apercevez que l'humour est quelque chose qui est important, qui est considéré comme notamment par le journalisme. Mm-hmm. Mais par contre, en France, c'est assez dénigré. On regarde ça avec un petit peu de condescendance. Et au contraire, je trouve ça fascinant de voir, parce que ça correspond et ça a des règles très strictes de construction littéraire. Oui, on peut même se pencher dessus de façon scientifique. Bien sûr, évidemment. Clara Dupont-Menon ? Oui, on se rend compte souvent que les anciens, ils ont eu raison avant nous. Shakespeare, il a inventé les feuilletons, les séries télé. Mm-hmm. Les auteurs japonais, anciens, ont inventé finalement le tweet avec les haïkus. Eh oui. Le Mark vous Twain. Vous allez loin là quand même. Le Mark Twain Comedy Club, si vous voulez lire, c'est dans l'Obs cette semaine. Jean-Luc Lemoyne, à cette heure-ci, on vous fait une proposition très malhonnête. Eh bien, tous les jours, on propose un rôle à notre invité dans un sketch. Alors, votre rôle, j'ai pas choisi par hasard, je vous donne le rôle de Cyril Hanouna. Alors, vous pouvez me tenter l'imitation si ça vous fait plaisir. Je suis nul en imitation. Ouais, vous faites ce que vous voulez. Cyril Hanouna qui a rendez-vous dans le bureau de Bolloré. Je vais faire Bolloré et Charline va faire l'assistante de Bolloré, ce qui est un peu son rêve. Et on y va. Parce qu'il a une proposition à faire. Monsieur Bolloré, tout va bien ? Très bien, j'ai hésité à acheter France 4 ce matin. Mais vous pouvez pas, enfin, c'est public. Ah oui, je dois attendre. Mais c'est pas un problème de temps. Écoutez, c'est public, ça n'est pas à vendre. Ah oui, mais si, c'est un problème de temps. Quand Sarkozy sera président, il me la vendra. Ah oui, bien sûr, oui. Bon, votre rendez-vous est là. Hein. Faites l'entrée. Ah, Cyril ! Salut, petite beauté, ça va ? Fort bien, coupe-moi ça, Cyril. Je te remercie. Je vous ai fait venir pour vous parler un peu du groupe. Du groupe de la France à Laurent ? Non, du groupe Canal. Ah oui, je vois, vas-y. Vous connaissez le Grand Journal ? Bah oui, quand j'ai une petite insomnie, ouais. C'est justement ça qu'on aimerait changer. Si vous présentez le Grand Journal, vous, qu'est-ce que vous feriez ? Bah déjà, je rirais tout le temps. Mais c'est tout. Non, mais je pense que j'enduirais Cyril d'un demi-aine et je l'enverrai en interviewer la reine des abeilles. Très bien ! Autre chose ! Et Augustin Trapenard, je l'obligerai à faire une analyse littéraire de Oui Oui à la plage, en maillot de bain, dans une piscine gonflable avec une bouée canard. Très bien ! Génial, tu veux dire ? Oui, vous pourriez intégrer des politiques là-dedans ? Bah, bien sûr ! Roselyne Bachelot ! Non, des politiques ! Ah, pardon. Bah, si tu m'amènes Jean-Vincent Placé, on lui casse des œufs bio sur la tête. C'est bon, ça ! Jean-François Copé, on le déguise en pain au chocolat. C'est bon, ça ! Ou Nicolas Sarkozy. Non ! Nicolas Sarkozy, c'est non. C'est pour racheter France 4. Voilà. Oui. La petite beauté, tu veux racheter France 4 ? C'est pas sûr encore, mais... Alors là, je t'arrête tout de suite. Je retourne pas sur le service public. Eh, mais si c'est moi qui dirige ? Ah, ça change tout. Alors, tu le reprends, le Grand Journal ? D'accord, si après France 4, tu rachètes France Inter, il y a un programme 17h, j'aime pas trop. Merci Jean-Luc Lemoine. En imitation, je suis mauvais. Non, c'est très, très, très mauvais. Le problème des imitateurs débutants, c'est que ça commence, et puis ça lâche, et puis ça reprend. Non, ouais, bah là, je peux tenir à peu près sur Petite Beauté, mais après, non. Oui. Vous inquiétez pas, nous, on est mauvais. Ah bah oui, on est très mauvais en imitation aussi. Donc. C'est pour ça qu'on continue à en faire. Oui, c'est ça. Jean-Luc Lemoine, si vous avez manqué le début, c'était l'Apollo Théâtre jusqu'au 16 janvier à 20h. Parmi vos influences, il y a qui en stand-up? Je sais, il était à votre place la semaine dernière, c'est Eddie Izzard. Exactement. Ah, oui. Ça, c'est une grande idole parce que je trouve que c'est très ambitieux ce qu'il raconte dans ses spectacles. Il va s'intéresser à l'histoire, à plein de choses que normalement on ne traite pas parce que on a tendance à trouver le plus grand dénominateur commun pour intéresser les gens. Et lui, il s'aventure sur des choses et il vulgarise. Et je trouve que c'est très ambitieux. Donc, Jean-Luc Lemoine travaille et est original, ce qui est très rare chez les gens. Jean-Luc Lemoine à l'Apollo Théâtre. C'est à 20h jusqu'au 16 janvier. Si vous avez manqué le début, merci beaucoup, Jean-Luc Lemoine. Voici le mot de la fin à celle qui fait la une de l'Obs, à Julie Gaillet. François, belle cheval.